Arc-en-ciel. Arc-en-ciel en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Após 4 anos de ausência, Tony Carreira regressa aos palcos para uma digressão em França. Dia 21 de janeiro, no Zénith, Dom Leão. Não perca esta oportunidade e reserve já o seu lugar. Bilhetes disponíveis nos locais habituais. Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, no site diam.eu ou ainda na vossa rádio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, un amour de la femme. à vous toutes, 13h36. Voilà le retour de l'émission Welcome de Souvenir. Et puis donc aujourd'hui, avec bien sûr les chansons différentes, et aujourd'hui avec les années 1960-70. Voilà donc, bien, j'espère aussi que vous avez passé une bonne matinée avec tout simplement l'émission de Lorenzo. Bien sûr, que vous allez le retrouver la semaine prochaine entre 9h jusqu'à midi. Juste à l'instant, j'ai pu entendre Nicoletta avec Mamie Blue, et puis donc on va rester dans la même génération des années donc 60-70. Et voici donc, elle s'appelle Dalida, et le titre Bambino. Je blême, tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores, et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blancs, bambino, bambino, tu as l'air d'un chérubin. Bambino, bambino, va plutôt jouer au ballon, bambino, bambino, comme font tous les gamins. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes, te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille de casquette. Ce n'est pas ça que dans son cœur te vieillira. L'amour et la jalousie ne sont pas des jeux d'enfant. Et tu as toute la vie pour souffrir comme les grands. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments, bambino, bambino, ne le garde pas pour toi, bambino, bambino, va le dire à ta maman, bambino, bambino. Les mamans c'est fait pour ça. Dans l'ombre douce de ses bras, pleure un bon coup et ton chagrin s'envolera. Voici donc le titre, s'appelle Mamiche, et c'est donc tout simplement Franck Adamo. Biche, ma biche, lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. Biche, ma biche, moi je m'imagine que ce sont de papillons bleus. Tenant d'une main ta petite glace ronde, ton front enfantin, et de l'air le plus sérieux du monde, tu dessines en un tournement un œil de biche, oh ma biche, lorsque tu soulignes que ce sont de papillons bleus. Je me demande pourquoi tu te maquilles. Si tu veux mon avis à moi, sans rien tu sais, tu es très très jolie. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Pourquoi tu triches sur ma biche? Je t'en prie de grâce, laisse tes yeux sans rien autour. Pour moi ma biche, quoi que tu leur fasses, tes yeux sont les yeux de l'amour. Tes yeux sont les yeux de l'amour. Tes yeux sont les yeux de l'amour. Tes yeux sont... Donc, ben, non, non, on regrette rien. C'est donc le groupe avec les Poppies. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé. C'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré. C'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant. C'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en maître en ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout, tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout, tout a continué. Avec nous et pourtant bien des gens se sont mis à genoux pour prier. Oui, pour prier. Pour prier. Oui, pour prier. Mais j'ai vu tous les jours à la télévision, même le soir de Noël, des fusils, des canons, j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Qui pourra m'expliquer que non, non, non, rien n'a changé. Tout, tout a continué. Entouré de soldats, moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps. Oui, tout le temps. Tout le temps. Oui, tout le temps. Moi je pense à tout ça, non, mais je ne devrais non, pas toutes non, ces non, choses-là non, ne me regarde non, pas. Et pourtant. Oui, et pourtant. Et pourtant. Je chante, je chante. Non, non, non, rien n'a changé. Tout, tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé. C'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré. C'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant. C'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en maître ce soir. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout, tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout, tout a continué. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Voici donc France Gall, la poupée de cire, poupée de sang. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Poupée de cire, poupée de son. Que chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Autour de moi, j'entends rire les

serait tout simplement bien Nicole Croisil. Voilà donc, et bien voici donc Denis Souzos avec un des six titres qu'on a bien entendu dans ces années avec Quand je t'aime. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnier volontaire. Tiens dans une parole où se jamais de nos vies. Je tiens dans le regard, on y vend sous celui. Une tristesse, une joie, qui nous rappelle une enfance. C'est la même sous bien des toits, quelle que soit la distance. Écoute, écoute ma voix, écoute au-delà de moi. J'ai un pays pour toi, un sourire est à toi. Dis-moi comment tu t'appelles, je te dirai qui je suis. Nous irons à l'essentiel, ça prendra toute la vie. Écoute, écoute ma voix, écoute au-delà de moi. J'ai un pays pour toi, un sourire est à toi. Écoute, écoute ma voix, écoute au-delà de moi. J'ai un pays pour toi, un sourire est à toi. Des paroles et des personnes conjuguées à l'infini, qui s'appellent et qui se donnent, ça prendra toute une vie. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. I'm Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Voici donc tout simplement, voici donc Rika Zaraï. C'est l'hiver, on frappe à notre porte. Mes amis, allumons vos feux. C'est l'hiver que le diable emporte. Mes amis, ce soir oublions-le. C'est l'hiver que le diable emporte. Mes amis, ce soir oublions-le. Babouchka, apporte les pains d'orge. Ce qu'il y a de bon dans la maison. La vodka qui brûle un peu la gorge, mais qui nous laisse le cœur plein des chansons. Rastafri, Kazachok, Kazachok, Kazachok, Rastafri. Dans les voiles, les loups font dire le monde. Sur la neige, ils sont les corbeaux. Son titre Mandoni la Rose, et juste après ce sera Sullivan le Palais d'Orient. Mon ami la Rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil. J'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On a dit un peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà. rose qu'il a dit hier matin. Hey, si le ciel un jour le veut, le vent soutenant mes voeux, sur mon tapis je m'envolerai pour ne plus revenir jamais. J'irai dans ces pays m'enivrer des vieilles légendes qu'on m'a racontées. J'aime, oui j'aime les princesses des contes d'enfants. Hey, si le ciel le veut aussi, pendant mille et une nuits, Sinbad le marin m'emportera vers des mondes où l'amour est roi. J'irai dans ces pays m'enivrer des vieilles légendes qu'on m'a racontées. Un jour me donner tout ça, car à force de trop le rêver, tout devient réalité. J'irai dans ce pays m'enivrer des vieilles légendes qu'on m'a racontées. Un amour de la femme. C'est pour le week-end, donc c'est à partir de 17h jusqu'à 19h avec l'émission Découverte Manuelle, juste après entre 19h jusqu'à 22h avec tout simplement l'émission Marika Albino. Et puis donc demain, on sera donc eh bien samedi à partir de 9h jusqu'à midi avec Portugal Nous Corésiens avec Christine, et puis juste après entre midi jusqu'à 14h pause musicale avec Sylvie. Artificiel, c'est aussi ça. Thank you. claviers ou les synthés. La musique est si docile, un vrai clin d'œil au passé. Là j'ai bien vu le moulin de Fontvieille, l'être que Daudet y a laissé. Le du ciel, le sourire d'une belle, voilà les trésors que tu peux garder. La farandole qui nous affole, au son des fifres et des tambourins. C'est une ronde qui nous inonde, pour pas se soucier du lendemain. Pas se soucier du lendemain. 8 anos de ausência, Tony Carreira regressa aos palcos para uma digressão em França. Dia 21 de janeiro, no Zénith de Orléans. Não perca esta oportunidade e reserve já o seu lugar. Bilhetes disponíveis nos locais habituais. Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, no site diam.eu ou ainda na vossa rádio Arc-en-Ciel. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Voici donc les copains avec le titre Lucille. Avec lui dans le noir. J'aurais voulu pleurer, je ne pouvais le croire. Lucille, et quand il m'a embrassé, mon cœur s'est mis en ordre, mes mains à trembler. Le titre, et c'est chanté par José Salci. Ton cœur est comme la pierre, tes yeux n'ont jamais pleuré, et le jeu que tu préfères. Bye. Voici donc Stella, le titre Les parents twists. Mes parents sont pas des coulants, ils sont même un peu trop dans le vent. Pour les raisonner, rien à faire, ils vont tous les soirs au Saint-Hilaire. Mon Dieu que c'est triste d'avoir des parents tristes. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme votin quand ils rentrent au petit matin? À chaque fois ils me réveillent au plus profond de mon sommeil. Mon Dieu que c'est triste d'avoir des parents tristes. Comme Sheila, à son âge elle ne devrait pas. Et mon père, ce qu'il a la chose, quand il met sa chemise rose. Mon Dieu que c'est triste d'avoir des parents tristes. Je trouve que mon père a eu tort d'acheter une boîte sport. Quand la famille s'y entasse, tous les six on a peu de place. Mon Dieu que c'est triste d'avoir des parents tristes. Avec eux est un vrai calvaire, toute leur éducation est à refaire. Quand je suis née, il était trop tard, ils sont devenus de vrais barbares. Mon Dieu que c'est triste d'avoir des parents tristes. Mon Dieu que c'est triste, ah quelle vache qui le twist. Chansons souvenirs sont sur Arc-en-Ciel 96.2 96.2 Arc-en-Ciel. Je me sens bien auprès de toi. J'ai l'impression d'être en vacances. Même quand tu dis rien, même quand tu fais rien, je suis bien avec toi, je suis bien. Je me sens bien quand je te vois. J'en ai tout chaud longtemps d'avance. Et ton bras sous mon bras, et ta main dans ma main, je suis bien. Je me sens bien auprès de toi. Quand on s'amuse ou quand on danse, je ne sens qu'avec toi. J'en oublie mes copains, ça fait rien. Avec toi, je suis bien. Je me sens bien auprès de toi. J'ai l'impression d'être en vacances. Même quand tu dis rien, même quand tu fais rien, je suis bien avec toi, je suis bien. Michel Page, l'adolescence. Adolescence, adolescence, adolescence, papa. Mon adolescence, dans tous les sens, adolescence, papa. Trop dur et trop pur à la fois. C'est ça, sauvage et trop sage à la fois. C'est ça, largué dans le flot de oh là là là là. On cherche son havre d'amis, oh là là là là. C'est sa cachant, sa grandeur dans ses cris. C'est ça, on crie sa fureur dans l'ennui. C'est ça, c'est l'adolescence, l'adolescence, l'adolescence. On a l'essence dans tous les sens, l'adolescence. Poussé, balayé par le temps. C'est ça, la foudre de nos 17 ans. C'est ça, on livre à l'amour la bataille, oh là là là là. Pour mieux lui donner nos entrailles, oh là là là là. C'est ça, et puis comme un gosse effaré. C'est ça, on laisse son cœur éclater. Mais nous, on est deux à s'aimer. C'est ça, bien sûr, on n'a rien inventé. Vous savez, rien ne pourra effacer. Oh là là là là. L'empreinte du premier baiser. Oh là là là là. Jamais trop dur et trop pur à la fois. C'est ça, sauvage, notre âge, c'est ça. C'est ça, c'est l'adolescence, l'adolescence, l'adolescence. L'adolescence, l'adolescence. Les chansons souvenirs sont sur Arc-en-Ciel 96.2 96.2 Arc-en-Ciel. Voici donc Chucky Berry. Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile. My curiosity running wild. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Riding along in my automobile, I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere, and she leaned and whispered in my ear. Cuddling more and driving slow with no particular place to go. Particular place to go. So we parked way out on the Kokomo. The night was young and the moon was cold. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along in my calaboose, still trying to get her belt to loose. All the way home I held a grudge for the safety belt that wouldn't budge. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Get on your feet. You make me nervous when you're in your seat. Take off your shoes and pat your feet. We're doing a dance that can't be beat. We barefootin'. We barefootin'. We barefootin'. We barefootin'. Went to a party the other night. Long tall Sally was out of sight. Threw away a wig and her house sneakers too. She was doing a dance without any shoes. She was barefootin'. She was barefootin'. She was barefootin'. She was barefootin'. Hey, little girl, with your red dress on, I bet you can barefoot all night long. Take off your shoes and throw them away. Come back and get them another day. We barefootin'. We barefootin'. We barefootin'. We barefootin'. Everybody get barefooted. Take off your shoes. He said to Sue, if I barefoot, would you barefoot too? Sue told John, I studied stew. I was barefooting ever since I was two. It was barefooting. It was barefooting. It was barefooting. We barefooting. We barefooting. We barefooting. Is that Jimmy's ring you're wearing? Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? Mm-mm. By the way, where'd you meet him? C'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. la suite des émissions pour donc samedi et dimanche, donc pour le week-end. Donc le samedi à partir de 14h jusqu'à 16h avec Carla, et puis suivi de 16h jusqu'à 18h avec tout simplement Julien et Louis, c'est l'émission Noche Funk. Puis le dimanche tout simplement le matin à partir de 8h jusqu'à 10h avec tout simplement l'émission Cantal du Gallo avec Antonio et Mathieu. Et puis juste après, entre 10h jusqu'à 12h30, c'est à vous de faire l'émission, tout simplement de choisir les chansons que vous voulez écouter avec le téléphone sonne, Lionel, Katia et Jérôme. Et puis donc, si vous aimez tout simplement eh bien, l'accordéon, eh bien, c'est entre 13h30 jusqu'à 16h avec accordéon Musette Nicolas. Voilà donc, et puis en début de semaine, dès lundi, à partir de 7h jusqu'à 9h, vous allez retrouver tout simplement Francky au réveil, et puis juste après, entre 9h et midi, avec Vers Matin, qui s'appelle l'émission, et avec Jean-Pierre. C'est aussi ça.

chaise, elle est obèse. Marie-Berthe, elle est experte par l'entremise de sa tante Artémise. Édouard fume le cigare et Léonard porte une barbe noire. Léontine fait la cuisine, Monsieur Gaston s'occupe du téléphone. Gaston, y'a le téléphone qui sonne et y'a jamais personne qui y répond. Gaston, y'a le téléphone qui sonne et y'a jamais personne qui y répond. Gaston, Gaston, Gaston, y'a le téléphone qui sonne et y'a jamais personne qui y répond. Gaston, Gaston, Gaston, y'a le téléphone qui sonne, y'a jamais personne qui y répond. Oh. Non, non, non. C'est important. Juste un instant, Nino Ferry. Arc-en-ciel, un amour de la scène. Voici donc qui nous amène du côté de Rio avec Dario Moreno, si tu vas à Rio. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Dans un petit village, cache sous les fleurs sauvages sur le versant d'un coteau. C'est à Madureira, tu verras les cariocas sortir des maisonnettes pour s'en aller. À la fête des sambas. Et tu verras grimpant le long des collines des filles à la taille fine avancer à petits pas. Et les fanfares dans ce joyeux tintamarre emmener les flots bizarres des écoles de samba qui préparent le bal et s'en vont pour le carnaval. Répétez la cadence de la plus forte des danses, celle de Madureira. Et tu verras grimpant le long des collines des filles à la taille fine avancer à petits pas. Et les fanfares dans ce joyeux tintamarre emmener le flot bizarre des écoles de samba. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Dans un petit village caché sous les fleurs sauvages sur le versant d'un coteau. Si tu vas à Rio, si tu vas à Rio, si tu vas à Rio. Voici donc Papa Tango Charlie avec Mortuman. Yeah. debout. Je vais noyer ma solitude dans le triangle des Bermudes. Celle que j'aimais ne la retrouverai jamais. Je vais noyer ma solitude dans le triangle des Bermudes. Allô, papa, tonneau, Charlie. Allô, papa, tonneau, Charlie. Répondez-nous, vous cherchons. Je réalise je pense et je vis comme je veux. Je mets Johnny en cage, je n'aime pas Edith Mathieu. Que vous importe mes cheveux, j'ai des chemises que je veux. Je fais tout ça pour moi, pas pour vous. Comprenez-le. Thank you. pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. On passe notre deuxième chanson de Johnny avec Gabriel. Gabriel, que brûle mon esprit, ton amour étrange, ma vie et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit, peut entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma belle pensée de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. Dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Et tu chantes. C'est la voix d'une enfant avec laquelle tu classes mon sang. Plus je veux t'expliquer, tu confonds et le jour et la nuit. Plus je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis. Je ne serai plus l'esclave de ta chair. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Et moi la chance à celui qui veut ma place. Oui, ma place. Oui, 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Oui, j'ai refusé. Dans le Loir-et-Cher, il me laisse plus partir de chez eux. Yeah.

Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que elle était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible blanche. Quand je sens en chemin les trépidations de ma machine, il me monte des désirs dans le creux de mes reins. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Je vais à plus de 100 et je me sens à feu et à sang. Oh, que m'importe de mourir les cheveux dans le vent. Que m'importe de mourir les cheveux dans le vent. Voilà donc, juste après tout simplement Harley Davidson, voici Michel Sardou, les Ricains. Si les Ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie à parler de je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui. Bien sûr, les années ont passé, les fusils ont changé de main. Est-ce une raison pour oublier qu'un jour on en a eu besoin? Un gars venu de Géorgie qui se foutait pas mal de toi est venu mourir en Normandie. Bien sûr, les années ont passé, on est devenus des copains à l'amicale du fusillé. On dit qu'ils sont tombés pour rien. Si les Ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie à parler de je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui. La Musica avec Patrick Juvet. La pluie sur les toits, c'est la musica. Le son de ta voix, c'est la musica. La musica, c'est le vent et c'est l'orage en été. La musica, c'est un son. la musica. Tu reviens vers moi, c'est la musica. La musica, c'est le vent et c'est l'orage en été. La musica, c'est un simple bruit. La musica, c'est aussi le soleil d'un nouveau jour. Et c'est ta voix qui chante à mon oreille. Dès que je m'éveille, des mots, des merveilles sur un lit d'amour. C'est aussi ça. L'accordéoniste, quand il la joue, c'est chouette. Tous les jours de la semaine, la musique nous entraîne dans cette javanette. Souvenir mélancolique pour ces instants magiques au cœur de la guinguette. Chavin, tu nous donnes tant de frissons quand joue l'accordéon, ce n'est que du bonheur. Chavin, tu nous donnes tant de frissons quand joue l'accordéon, tu restes dans nos cœurs. La javanette, reine de l'âme. La javanette. La javanette, c'est formidable. avec l'accordéon. Que c'est ce morceau là qu'on va se quitter, donc on va se retrouver donc prochainement, ainsi donc dimanche à partir de 13h30 avec Musette Accordéon. Voilà donc pour cette émission que de l'accordéon. Voilà donc c'est pour ça qu'on termine avec de l'accordéon pour s'enchaîner de retrouver cette émission là. Voilà donc, et bien j'espère aussi que vous avez passé une bonne après-midi. Je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. Oh,